et grand feuilleton de France Culture. Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 11e épisode, Simbad le marin. 5 juillet 1829, chez les Morel. Oh, Maximilien ! Oh, mon cher frère ! Oh, te voici enfin ! Comme je suis heureuse que tu aies pu te libérer. Mais que se passe-t-il, Julie ? Ta lettre ? Notre père est perdu. Perdu ? Le pharaon, son dernier espoir, a coulé avec tout son chargement il y a quelques mois. Oh, mon Dieu ! Enfin, n'avons-nous pas les moyens d'armer un nouveau navire ? Coclès, dites à mon frère où nous en sommes. Toutes nos ressources se montent aujourd'hui à 14 000 francs. Et nous devons faire face à une traite de 287 500 francs. Nous n'avons même pas les moyens d'offrir un acompte acceptable. D'où vient cette traite ? De la maison Thomson & French de Rome, qui nous a déjà accordé un délai de 3 mois, qui expire aujourd'hui à 11 heures. Mais il est 10 heures. Où est notre père ? Il s'est enfermé dans son bureau. Que fait-il ? Il écrit, je crois. Bien, j'y vais. Mademoiselle, cet homme veut absolument vous parler. Vous êtes mademoiselle Julie Morel ? Oui, que me voulez-vous ? Lisez cette lettre. Il y va du salut de votre père. Adieu, mademoiselle. Oh mon Dieu, qu'est-ce encore ? Il faut lire. Rendez-vous à l'instant même aux allées de Meillan. Entrez dans la maison numéro 15. Demandez à la concierge la clé du cinquième. Entrez dans cette chambre, prenez sur le coin de la cheminée une bourse en filet de soie rouge et apportez cette bourse à votre père. Il est important qu'il l'ait avant 11 heures. Vous avez promis de m'obéir aveuglément, je vous rappelle votre promesse, Simbad le marin. Post-scriptum, il est important que vous remplissiez cette mission en personne et seule. Si vous veniez accompagner ou qu'une autre personne que vous se présentât, la concierge répondrait qu'elle ne sait pas ce que l'on veut dire. Il faut y aller, mademoiselle. Y aller ? Oui. Je vous accompagnerai. Mais vous avez entendu ? Je dois être seule. Je vous attendrai au coin de la rue du musée. Ouf. Je vous assure qu'il faut y aller. Le messager ne vous a-t-il pas dit qu'il y allait du salut de votre père ? C'est vrai. Venez, Emmanuel. Père, que faites-vous ? Tu vois, mon fils, j'écris. Tu es donc venu ? Oui. Pourquoi ces pistolets devant vous ? Tu es un homme d'honneur, Maximilien. Sache que dans une demi-heure, notre nom sera déshonoré. Et le sang lave le déshonneur. Oui, je vous comprends, mon père. Et je vous donne raison. Mais alors l'un de ces deux pistolets est pour moi. Non. Je te confie, Julie. Savez-vous que vous me dites de vivre ? C'est ton devoir. Bien, puisque telle est votre dernière volonté, je vivrai donc. Je te remercie, Maximilien. Tu sais qu'il n'y a pas de ma faute dans tout ce qui arrive. Je sais. Vous êtes le plus honnête homme que j'ai jamais connu. C'est bien. Je crois que tout est dit maintenant. N'avez-vous pas quelques recommandations à me faire ? Si fait. Une recommandation sacrée. La maison Thompson & French est la seule qui, par humanité, par égoïsme peut-être, mais ce n'est pas à moi de lire dans le cœur des hommes, a eu pitié de moi. Son mandataire, celui qui dans 5 minutes se présentera pour toucher une traite de 287 500 francs, m'a offert 3 mois de délai. Que cette maison soit remboursée la première. Que cet homme te soit sacré. Je n'oublierai pas. Maintenant, laisse-moi seul. Tu trouveras mon testament dans le secrétaire de ma chambre à coucher. Adieu. Adieu, mon père. Plus qu'une minute. C'est l'heure. Sauvée. Que veux-tu dire, Julie ? Oui, sauvée. Sauvée. Voyez, prenez cette bourse. Mais je la reconnais, cette bourse. Elle m'appartenait. Vite, ouvrez-la. Mais... ma traite. Oui, et elle est acquittée. Et enveloppée dans ce papier. Regardez. Un diamant ? Lisez. Mais dot de Julie. Mon Dieu, c'est un rêve. Mais qu'est-ce que tout cela veut dire? Allons, explique-toi, Julie. Allons, où as-tu trouvé cette bourse? Dans une maison des allées de Meillon, au numéro 15. Où? Sur la cheminée d'une petite chambre du 5e étage. Mais Julie, cette bourse n'est pas à toi. Lisez cette lettre que j'ai reçue tout à l'heure. Il y a 3 mois, cet homme qui était venu m'avait dit qu'il l'enverrait. Je n'y pensais plus, et c'est arrivé. Julie, tu es allée seule dans cette maison ? Emmanuel m'accompagnait. Il devait m'attendre au coin de la rue du musée, mais à mon retour, il n'y était plus. Monsieur Moret ! Monsieur Moret ! Oh, c'est la voix d'Emmanuel ! Le pharaon ! Le pharaon ! Eh bien, quoi, le pharaon ? Êtes-vous devenu fou, Emmanuel ? Non, monsieur, non. On signale le pharaon. Comment ? Le pharaon entre dans le port. C'est vrai, père. Et vous qui disiez que le navire était perdu, la vigile avait signalé, je l'ai vu, moi, de mes yeux. Entrez dans le port. Oh, mes amis, si cela était, mais il faudrait croire à un miracle de Dieu. C'est impossible. Impossible. Qu'est-ce que tout cela veut dire, monsieur ? J'ai vu le pharaon dans le port. C'est le bateau fantôme. Allons, mes enfants, allons voir. Et que Dieu ait pitié de nous si c'est une fausse nouvelle. Allons. Oh, Alors, père, n'est-ce pas votre pharaon qui vient de se ranger à quai? Si. Et c'est bien le capitaine Gomard, son capitaine, qui lance des ordres. Oh, et voilà maître Penlon qui me fait signe. Mais comment est-ce possible? Oh, Penlon! Penlon, mon brave Penlon! Salut, monsieur Morel! Tout va bien! Nous avons un plein chargement de cochenilles et d'indigo! Sauvé. Je suis sauvé. Connaissez-vous cet homme à barbe noire qui nous regarde là-bas en souriant? Non. Oh, il a vu que nous le regardions à notre tour et il s'en va. Montons à bord et qu'on fête cet heureux coup du sort! Sois heureux, noble cœur. Sois béni pour tout le bien que tu as fait et que tu feras encore. Et que ma reconnaissance reste dans l'ombre, comme ton bienfait. Jacopo! Avance la chaloupe! Oyote, Jacopo. Oui, monsieur. Et maintenant, adieu, bonté, humanité, reconnaissance. Adieu à tous les sentiments qui épanouissent le cœur. Je me suis substitué à la Providence pour récompenser les bons. Que le Dieu vengeur me cède sa place pour punir les méchants. Neuf années ont passé, au cours desquelles, sans doute, Danglars, devenu banquier et baron, Fernand Mondego, devenu général et comte de Morcerf, et Villefort, procureur du roi, ont définitivement oublié le pauvre Dantès. Mais celui-ci, pendant ces neuf années, a parcouru le monde, puisant aux sources des connaissances les plus anciennes, les plus occultes aussi, et réussissant, grâce à son immense fortune, à placer sous sa dépendance les personnalités les plus puissantes, les plus influentes. À l'issue de ce long périple initiatique, le voici donc devenu le mystérieux, l'inquiétant, le séduisant comte de Monte Cristo. Mais sous Monte Cristo, il y a toujours Dantès qui tisse autour de ses ennemis les raies d'un piège infernal. Nous voici le 17 janvier 1838 à Florence. Mon cher Albert, j'ai en main la preuve que j'avais raison contre vous. Contre moi, votre ami? Eh oui. Peste, de quoi s'agit-il? Point n'est besoin, me disiez-vous à Paris, de s'y prendre si tôt pour assister en bonne place au carnaval de Rome. Hein? C'est exact, mon cher France, je l'ai dit. Et nous étions en septembre de l'année dernière. Eh bien, voici ce que me répond Maître Pastrini, chez qui je descends chaque année et à qui je vais communiquer notre adresse à Florence. Écoutez, écoutez Albert. À Monsieur le Baron Franz d'Épinay. Monsieur le Baron. L'affluence sera telle cette année au carnaval que je suis au plus grand regret de vous dire que je n'ai pu mettre à votre disposition et à celle de monsieur le vicomte de Morcerf que deux chambres et un cabinet, le tout situé al secondo piano, et moyennant la rétribution d'un louis par jour. Je demeure néanmoins, monsieur le baron, votre très humble et très dévoué Pastrini. Ce n'est pas cher, il faut donner notre accord. Mais c'est fait, mon cher, et vous ne serez pas déçu. L'hôtel de Londres est très bien situé. Place d'Espagne. Maître Pastrini est toujours aux petits soins pour celui qu'il appelle le jeune baron français. Moi. Et ses servantes sont belles, belles comme des madones de Botticelli. Ah, que de perspectives séduisantes. Mais si vous le voulez bien, dévorons le mois qui nous en sépare. Rien ne changeait à votre programme. Vous êtes vraiment repu des jardins de Fiesole. Tout à fait. Je pars pour Naples. Et vous, toujours décidé à vous mettre sur les traces de l'empereur défunt ? Oui. J'embarque après-demain à Livourne et je mets le cap sur l'île d'Elbe. Alors donnons-nous rendez-vous à Rome, chez Maître Pastrini. Mm-hmm. Mais avant le 22 février, Albert. Sinon, vous rateriez les prémices du carnaval. Entendu. Avant le 22. Le 22. Janvier 1838. L'île d'Elbe vous a déçu, monsieur le baron ? J'en ai eu vite fait le tour. Et les perdrix rouges qui pullulaient, m'avait-on dit, ont dû être avertis de ma venue. Je n'en ai vu aucune. Si votre excellence voulait, elle ferait une belle chasse. Où cela ? Voyez-vous cette île ? Oui. C'est l'île de Monte Cristo. Je n'ai pas de permission pour chasser sur cette île. Votre Excellence n'en a pas besoin. L'île est déserte. Ah, une île déserte au milieu de la Méditerranée ? Mm-hmm. Mais par Dieu, voilà qui est étrange. Oh, chose naturelle, c'est un banc de rochers. Dans toute son étendue, il n'y a peut-être pas un arpent de terre labourable. Mm-hmm. À qui appartient-elle ? À la Toscane. Quel gibier y trouverais-je ? Des milliers de chèvres sauvages. Oh, vous me tentez, Gaetano. Cap sur Monte Cristo. Je dois cependant vous prévenir, Excellence, que l'île est en contumace. Ce qui veut dire ? Comme Monte Cristo est inhabité et sert parfois de relâche à des contrebandiers et des pirates qui viennent de Corse, de Sardaigne ou d'Afrique, si un signe quelconque dénonce notre séjour dans l'île, nous serons forcés, à notre retour à Livourne, de faire une quarantaine de 6 jours. Oh, diable ! 6 jours, c'est un peu long. Mais qui dira que son Excellence a été à Monte Cristo ? Ce n'est pas moi. Non, ni moi. Oh, plus on approche et plus cette île me paraît fantastique dans le soleil couchant. Votre Excellence dit vrai. Oh, vous avez vu ? Mais regardez ! Regardez cette grande lueur sur la côte ! Mais qu'est-ce que c'est que cette lumière ? Silence. C'est un feu. Mais vous disiez l'île inhabitée ? Sauf occasionnellement par des contrebandiers. Ou des pirates ? Vous craignez que ce feu ne nous annonce une mauvaise compagnie ? Il faut s'en assurer. Comment ? En y accostant. Restez à bord, Excellence. Je vais aller me rendre compte sur place. Et comment ferez-vous ? À la nage. Et il vaut mieux que j'y aille seul. Supposez, Gaetano, que vous tombiez sur une bande de pirates. Oh, je ne cours aucun danger. Ce ne sont pas des pirates. Attendez-moi tranquillement. Que faites-vous, Excellence ? Je vais tout de même accompagner Gaetano. Non, Excellence. Restez à bord. Gaetano vous l'a dit. Il ne risque rien. Ce sont des contrebandiers. Et nous sommes en pays de connaissance. Comment pouvez-vous en être sûr ? Il y a des hommes dans l'île, n'est-ce pas ? Ah, certes. Cette odeur de feu de bois et ce fumet d'agneau rôti qui viennent jusqu'à nous en sont la preuve. Avez-vous vu une barque quelconque ou une tartane accostée au rivage ? Non. Si votre Excellence avait, comme nous, l'habitude de naviguer dans les parages de cette île, elle aurait vu pointer derrière les hauts rochers d'une crique les 3 mâts d'un navire que nous connaissons bien. Et qu'est-ce que ce bâtiment ? Pour faire le tour du monde, j'en souhaite un pareil à votre Excellence. Mais de quelle force est-il donc ? 100 tonneaux à peu près. Un bâtiment qui peut tenir la mer par tous les temps. Et où a-t-il été construit ? Je le crois génois. Mais comment un chef de contrebandier ose-t-il faire construire un navire destiné à son commerce dans le port de Gênes? Je n'ai pas dit que son propriétaire était un contrebandier. Mais alors, mais qui est-il? Un riche seigneur qui voyage pour son plaisir et qui se montre toujours bienveillant à l'égard des contrebandiers. Et comme s'il avait envers eux une dette de reconnaissance. Ouais, et comment s'appelle-t-il? Il se fait appeler Sindbad le marin. Mais je doute que ce soit son véritable nom. Et où habite ce seigneur? Sur la mer. De quel pays est-il? Je ne sais pas. Mais l'avez-vous vu? Quelquefois, mais... Quel homme est-ce? Je suppose que votre excellence pourra en juger par elle-même. Si Gaetano nous revient avec de bonnes nouvelles. Mais expliquez-vous, voyons. Si, comme je le prévois, Sindbad le marin nous accorde l'hospitalité sur l'île de Monte Cristo, Gaetano prétend qu'il y vit dans un palais fabuleux. Oh, bah décidément, je vis un conte des mille et une nuits. Ah, tenez, ça n'a pas été très long. Voici Gaetano qui revient. Gaetano, eh bien. Le seigneur des lieux, à qui l'on a dit que vous étiez un jeune homme français, vous invite à souper avec lui. Oh. Ah, ce seigneur me paraît être un homme fort civilisé. Et je ne vois pas pourquoi je refuserais son invitation. Ah, toutefois, il met à votre présentation chez lui une singulière condition. Ah, ah. Et laquelle? C'est de vous laisser bander les yeux et de noter votre bandeau que lorsqu'il vous y invitera lui-même. Ah. Il y aurait donc quelque chose qu'il me serait interdit de voir chez lui. Écoutez, je ne sais si ce qu'on dit est vrai, mais il paraît que Sindbad le marin habite un souterrain auprès duquel le palais petit est bien peu de choses. Oh. Oh, quel rêve! Oh, ceci me décide, Gaetano. J'irai dîner avec cet étrange personnage. Vous êtes le bienvenu chez moi, monsieur. Vous pouvez ôter votre bandeau. Oh. Oh. Ah, je n'ai jamais rien vu d'aussi prodigieux. Un enchantement. Pour un peu, je me croirais en quelque palais d'Arabie. Monsieur, vous êtes ici chez vous, et ceci n'est que le pied-à-terre du grand voyageur que je suis. On m'avait dit, mais rien ne pouvait me laisser supposer l'existence de cette somptueuse demeure sur l'île de Monte Cristo. Et vous-même, monsieur, vous-même, votre sourire et votre pâleur... Si j'osais vous exprimer le fond de ma pensée, je... Vous diriez sans doute que vous avez l'impression de voir un homme sorti de son tombeau depuis peu. Oui, monsieur. Eh bien, vous auriez dit vrai. Ou presque. Mais, avant toute chose, mille fois pardon des précautions que l'on a exigées de vous pour vous introduire chez moi. Je vais tâcher de vous faire oublier ce petit désagrément en vous offrant ce que vous n'espériez certes pas trouver ici, un souper passable et d'assez bon lit. Ali ? Bien. Mon cher monsieur, nous pouvons passer dans la salle à manger. Ah ! Ne vous étonnez pas du silence de mon serviteur nubien. Le bey de Tunis lui a fait couper la langue parce qu'il rôdait plus près de son sérail qu'il n'était convenable de le faire à un gaillard de sa couleur. Ah. C'était Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Aujourd'hui, 11e épisode, Simbad le Marin. Avec Edmond Dantès, alias Simbad le Marin, Pierre Santini, Julie Morel, Marianne Épin, Maximilien Morel, Pierre Arditi, Coclès, Jean Brunel, Emmanuel Raymond, Luc Ponette, Monsieur Morel, Fred Personne, Penelon, René Morard, Jacopo, Maurice Bourbon, Franz Despinay, Jean-Pierre Leroux, Albert de Morcerf, Richard Leduc, Gaetano, Didier Conti, Le Matelot, Roger Desmar. Et les voix de Michel Zimmermann, Michel Amiel et Francine Bouffard. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 27 octobre 1980. Vous pouvez le télécharger, ainsi que les précédents, sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. À suivre, donc, demain à la même heure.